Bonjour à tous, chers concitoyens de Big City pour cette émission. Je suis votre reporter sur Big TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous trouver devant le repère d'un des gangs de la ville pour une interview surprise. Il s'agit du gang des Piu Piu, qui, comme vous l'avez sans doute remarqué en observant les fientes sur le sol et les murs, ou simplement par les roucoulements incessants qu'on peut entendre en fond sonore, recueillent ici tous les pigeons de la ville. En effet, les volatiles sont des centaines à braver la météo venteuse et les dangers de Big City pour trouver refuge dans ce qui semble être un paradis ornithlin des oiseaux. Nous allons toquer à la porte et tenter d'entrer en discussion avec ces racailles au grand cœur que sont les membres du gang des Piu Piu. Comment vont-ils réagir à cette interview surprise? Qui sont ces héros de la cause animale? Vous allez le découvrir tout de suite sur Big TV. Vas-y, mets le cache pour la transition pub. T'en as pas marre de ne pas voir tes mains quand tu prends un selfie? Mais grave, on voit même pas la qualité de ma manucure made in soi gamin. Horrible! Si seulement il existait un accessoire tendance et sexy qui me permette de garder les mains libres tout en étant assorti à mes ongles. Eh bien, regarde ça! Oh, mon peps... Bicola! C'est merveilleux. Voici le Hattie, aussi appelé le chapeau à selfie. Pose-le sur ta tête et grâce à son bras télescopique incurvé, tu peux te prendre en photo seul ou avec tes amis tout en gardant tes mains bien visibles. Incroyable. Du Bob à la Capeline, en passant par la Lorraine avec mes sabots, le chapeau phare de l'été dernier, il se décline sous toutes les formes et tous les coloris. Idéal pour être assorti aux manucures les plus audacieuses. C'est vraiment génial, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse oser porter un Bob. C'est ça qui est fantastique. Pyrcorp pense à tout. Pyrcorp pense à vous. Le progrès ne cessera jamais de m'étonner. Entrons maintenant à l'intérieur du bâtiment afin d'interviewer les Piu Piu. Wesh, mais vous faisiez quoi là? T'as cru que tu peux rentrer chez nous tranquille au QLM là? Regardez, nous nous trouvons dans l'entrée du repère du gang face à ce qui semble être leur représentant. Mais t'es la bonasse de Big TV. Oui, c'est moi. Et vous êtes en direct sur notre chaîne nationale. Swag. Ouf. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions? Ouais, déjà, nous, on n'est pas les chefs, nous. Ah bon? Nous, on fait juste les gays. D'ailleurs, monsieur, vous êtes bien charmant. Merci. Vous de même. Eh, attends, madame, je vais te faire visiter. Là, à gauche, t'as un placard. Très pratique quand t'as des choses à placarder. Tu filmes, hein? Tu filmes? Oui, oui. Et moi, je perche. Lol, t'es con, MDR. Là, t'as la salle à manger. Très pratique pour manger. Intéressant. Là, il y a le salon. C'est très pratique pour s'allonger. Putain, c'est des bouts en train, eux. Ouais, c'est pratique pour ça aussi. Là, t'as les escaliers. Très pratique pour monter à l'étage. Mais on va faire après. D'abord, je dois te montrer ça. Voilà. Là, t'as les toilettes. Très pratique quand t'as la chiasse. J'aurais juré qu'il allait dire pour se toiletter. Maintenant, on va monter à l'étage. Par les escaliers, vous suivez pas du tout ou quoi? Non mais c'était dur, mais je savais, lol. Il était con, toi. Je savais, ferme ta gueule. Vous n'êtes pas très loquace. C'est parce qu'on est concentré pour pas tomber. Aïe. Aïe. Vous voyez, lui, c'est un teubé, il tombe même quand c'est pas lui qui parle. Lol, mais je crois que je me suis fait mal en vrai, MDR. Pas grave, t'as qu'à faire le gay ici. Ok, je fais de croches pas ton cambrioleur, t'es MTC, bébé. TKT, FDP. Vous entendez ça? Le gang est tellement évolué qu'il se parle en code. Inutile de se demander pourquoi ils sont l'un des gangs les plus puissants de la ville. Lol, j'ai pas compris. Suivez-moi. Eh bah putain. T'as vu? Incroyable. Nous nous trouvons dans l'endroit le plus secret du bâtiment. Alors là, t'as Alphonse. Le tout noir, là, c'est Hubert. La grise, c'est Jacqueline. Et lui, c'est Oiseau 2. Vous ne lui avez pas trouvé de nom? Si, Oiseau 2. Et donc, vous vous nourrissez grâce à leurs œufs? Bah non, on n'est pas des sauvages, on mange les oiseaux. Mais comment ferez-vous quand vous n'en aurez plus? Bah attends, le chef, il est allé chercher les bébés oiseaux sur le territoire parce qu'il connaissait leur endroit de reproduction. Mais là, il n'est pas encore revenu. Mais où sont tous les autres? Bah, comme ça faisait 3 mois qu'il était parti, ils sont allés le chercher. Et personne n'est revenu? Bah si, Mario. Votre ami qui est dans les escaliers? Non, l'oiseau, là, qui est sur le dos sans bouger. C'est un peu une feignasse, là. Il a pas bougé depuis 1 mois. Ah! C'est tellement un branle-couille qu'il se lave même pas, ça pue sur le bâtard, MDR. Je crois qu'on a ce qu'on voulait, hein? On y va? Attendez! J'en profite pour faire un big up à toute ma famille. Si vous me voyez, je vous en veux pas de pas être venu me chercher avant la guerre. Et big up aussi à mes poteaux de l'Afton. C'est sûr. Voilà, j'ai fini. C'est sur cette séquence pleine d'émotions que nous vous souhaitons une excellente journée et que nous rendons l'antenne. Tu coupes pas ? T'as pas chanté le générique. Et on voudrait pas manquer cette scène épique qui montre le plus gros élevage de pigeons de Big City. T'as vu ? Vous avez vu ça, Lister ? Ces gueux s'en sortent mieux que nous. Ils ont un sacré élevage de pigeons. Et il me faut un hâtis.